toute une vie. C'est l'amour qu'on choisit, mais pas celui qu'on croit, celui qui pourrait survivre à la vie. Vers moi.